سلامتا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc on poursuit. On est bientôt arrivé à la fin de la partie Tawhid Aqidah du livre. Bifadlillahi ta'ala. La dernière fois, on a parlé de ce qui touche au Dour, différentes demeures, la résurrection, le rendu des comptes et la vision d'Allah Azza wa Jal. Alain Wassil fit السؤال السابع والثلاثين يقول فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي هو في المصحف si on te demande que crois-tu en ce qui concerne le Coran qui est rassemblé en livre قل فأعتقد أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق dis je crois fermement que c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée et la preuve وقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله et si un des associateurs te demande refuge alors accorde-lui cela afin qu'il entende la parole d'Allah dans ce verset là عز وجل dans le sens il dit bien qu'il entende la parole d'Allah c'est-à-dire le Coran وقال تعالى يريدون يبدلوا كلام الله ils veulent changer la parole d'Allah c'est-à-dire le Coran donc le Coran est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le livre que l'on possède chez nous, justement, comme l'a dit l'auteur, avec les pages, avec l'encre et l'imprimerie et autres, ça, c'est une création. Et on appelle ça un moshaf. Moshaf, c'est le livre qui regroupe tout cela. Mais le Coran en lui-même, le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, quand on parle du livre, on dit moshaf. Et quand on parle du contenu, on dit Coran, qui est la parole d'Allah. Subhanallah. Donc, il est incréé. Et le Coran est parmi ses attributs. C'est-à-dire qu'il est permis de jurer par le Coran. En visant par cela la parole d'Allah. Et non pas le livre qu'on appelle le Mushaf. Quand on fait du jurer par le Mushaf, ça c'est une chose qui n'a aucune origine en religion. C'est une bid'a, une innovation. Et en même temps, c'est une ressemblance aux kuffar qui font de même avec la Bible. Alors, je parle de jurer à la fois sur. Quand les gens ils parlent de jurer comme mettant la main sur le Mushaf. Et mal fait de jurer par le Mushaf, ça c'est du shirk. Ça revient du shirk qui peut être Asral ou Akbar, parce que le Mushaf, c'est une créature. Et on ne jure que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. ثم قال في سؤال الثامن وثلاثين. فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي? Si on te demande, est-ce que le Coran est en arabe ou en autre langue? أعجمي, c'est tout ce qui est non arabe, en fait. فقول هو عربي, dit-il en arabe. والدليل قوله تعالى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ Et nous allons faire un Coran en arabe afin que vous réfléchissiez. وَقُولُوا تَعَلَى نَزَّلَ بِي رُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ مُنْذَرِينَ بِلِسَنْ عَرَبِيٍ مُبِينَ C'est l'esprit de confiance, c'est-à-dire Jibril, qui est descendu avec le Coran sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs. En langue arabe claire. Donc le Coran, il est en arabe. Ce qu'on lit dans d'autres langues, dans le Mushaf, on appelle ça traduction relative des sens. Mais ce n'est pas la parole d'Allah. Salam alaikum. La parole d'Allah, elle est en arabe. Et la récompense qui est dans sa lecture, dans les lettres que l'on prononce, c'est en arabe. Hada. Thumma في السؤال التاسع والثلاثين 39e question فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات si on te demande est-ce que Allah possède des noms et attributs فقل نعم لو أسماء وصفات تليق بجلاله dit oui il possède des noms et attributs correspondant à sa grandeur et toute chose qui existe aura forcément des attributs pour se distinguer d'autres. il n'y a pas une chose existante sans qu'elle ait des attributs. Allah Azzawajal en possède également. Sans que pour autant qu'il ressemble à sa création. فَالدَّلِيلُ وَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc la preuve, c'est la parole d'Allah, où il dit dans le sens, et Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. On peut dire également, nommez-le par eux. Le sens, ud'uhu, peut avoir le sens de d'appeler, d'invoquer ou de nommer. Dans ce verset-là. Donc Allah Azza wa Jal, on invoque par ses noms. Et ses noms, ils sont en arabe. Ce qu'il y a dans le Coran. وَقُولُوا تَعَلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et Allah, l'attribut le plus élevé, le plus exemplaire. Il est le puissant et le sage. C'est-à-dire que ses attributs sont les meilleurs. Ils sont les plus parfaits. Car Allah Azza wa Jal est dénué de tout attribut de manque ou de faiblesse ou de défaut. Ce n'est pas possible. D'accord, ce n'est pas possible. وَقَالُوا تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dit, il est Allah unique, Allah celui qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ne lui est égal. Et à Samad, il y a eu différentes interprétations de ce mot qui ont été données, dont celle-ci, qui a le sens également de unique, sans équivalent. Et d'autres sens ont été donnés pour Samad, qui est min asma'ihi, qui est parmi ses noms, As-Samad. Wa fi sahihayn, que Aïcha rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt qu'un homme a dit, lorsqu'il est interrogé, pourquoi est-ce qu'il disait à chaque fois l'ikhlas dans ses salawat, cette sourate-là. Fasalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'alef min sifat ar-Rahman. Fa uhibbuha. Fa akarra Nabi sallallahu alayhi wa sallam zalik. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé cet homme, pourquoi lis-tu tout le temps cette sourate? Il a dit parce que elle est l'attribut d'Allah Azzawajal, Ar-Rahman, et je l'aime. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Il lui a même dit qu'Allah l'aimait également. Et les noms d'Allah ne sont pas délimités par un nombre qui nous est connu. Comme dans le hadith, il n'y a pas l'original en arabe sur l'application. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, je ne peux dénombrer les louanges qui te concernent. Et dans un autre hadith, il a dit أو في علم استثرت عندك في الغيب. En parlant de ses noms, que il a des noms à Allah Azzawajal qu'il a gardé auprès de lui dans la science de l'invisible que nul ne connaît. Ce qui prouve que les noms d'Allah Azzawajal ne sont pas limités à 99. Et Inch'Allah, on reparlera du hadith par la suite. Qui cite cela, et le Shia va montrer par preuve que les noms d'Allah Azzawajal nous ont été cités à un nombre plus grand, plus important que 99. Et cela viendra plus tard, Inch'Allah, dans le livre, cette mas'ala. Thumma qal fi sual 40, 40e question. Fa idha qila lak hal ahadun ghayru Allah ya'lamu al-ghayb. Si on se demande, est-ce qu'un autre que Allah connaît l'invisible? Et l'invisible, ça peut être des choses qu'on ne voit pas, et ça peut être également des choses du futur, qu'on ne sait pas. فَقُلْ لَا أَحَدٌ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit, personne ne connaît l'invisible à part Allah. وَالدَّلِيلُ قُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Et que Allah n'est pas à dévoiler l'invisible. À vous dévoiler l'invisible. وَقُلْ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. Dit, l'invisible n'appartient qu'à Allah. Et auprès de lui se trouvent les clés de l'invisible que personne ne connaît à part lui. Et l'invisible, c'est une chose qui est relative. Il y a el-ghayb el-mutlaq ou el-ghayb el-muqayyid. Une chose peut être méconnue pour certains et connue par d'autres. Et là, on parle du ghayb el-mutlaq, ce qui est l'invisible absolu. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans une pièce, et quelqu'un est ailleurs, ce qui est ailleurs va voir ce que l'autre ne verra pas. Donc pour celui qui est hors de la pièce, ce sera de l'invisible pour lui. Il ne sait pas, par exemple, que dans telle pièce se trouve telle et telle chose. Donc pour lui, c'est de l'invisible. Mais l'autre qui est là-bas, il le verra. Donc c'est une chose que Allah a permis de connaître de façon relative. Il y a des choses que personne ne connaît par Allah Azzawajal, que personne ne connaît. Non. ثم قال في السؤال 41 فإذا قيل لك متى تقوم الساعة si on te demande quand est-ce que l'heure arrivera فقول أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله donc dit l'heure fait partie des choses secrètes de l'invisible que nous ne connaissons à part Allah juste qu'on sait que cette heure-là elle aura lieu un vendredi et après le Fajr comme cela est dans les hadiths un vendredi elle aura lieu et elle aura lieu après le Fajr maintenant quel vendredi on ne sait pas. On ne sait pas. Et les grands signes ne sont pas encore tous venus. Mais elle est proche. Elle est très très proche. C'est-à-dire, nous sommes plus proches de la fin que du début, bien évidemment. Et auprès d'Allah se trouve la science de l'heure, le savoir de l'heure. Il est et à lui revient la science de l'heure. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam لا أحد يعلم الغيب أو لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Et que personne ne sait quand se lèvera l'heure à part Allah. Et d'ailleurs dans le hadith de Jibril, ce dernier l'a interrogé en disant فَأَبْلِنَا السَّاعَةَ فَقَالَ مَا مَسْهُلُ بِأَعْلَمِ مِنْهَا مِنَ السَّائِلِ qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم parce qu'il a été interrogé informellement à propos de l'heure, il a dit que l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. D'ailleurs cette heure, seul Allah عز وجل la connaît. Nous ce qu'on connaît seulement ce sont certains de ses signes. ثم قال في السؤال الثاني واربعين 42e question فإذا قيل لك كم شروط قبول العمل si on te demande combien y a-t-il de conditions pour qu'une action soit acceptée فقول ثلاثة nous on connaît souvent deux mais là le chiffre va citer une troisième c'est vrai qui est importante et qu'on omet souvent de citer الإسلام فالكافر لا يقبل الله عمله Donc, dit trois conditions pour que les œuvres soient acceptées. La première, c'est l'islam. Ainsi, Allah n'accepte pas l'action du mécréant. Nous avons considéré ce qu'ils ont fait comme action et nous en avons fait de la poussière éparpillée. À propos des actes des kuffars. Et que Allah n'accepte que des pieux. Et là, les pieux sont les croyants. Donc c'est vrai que souvent quand on dit deux conditions pour le Amel, on parle du croyant en fait, du musulman. Mais de façon générale pour tout le monde, première condition, il faut être musulman. Celui qui n'est pas musulman, Allah n'accepte rien de lui. Le Malqiyama, ses œuvres sont que de la poussière. Ça ne servira à rien du tout. Sani et l'Ikhras, deuxième, c'est la sincérité. Que l'acte ne soit que pour Allah exclusivement. Wa dalilu qawlullah ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant sincèrement le culte. Et dans le hadith Qudsi, un Abi Urayra, radiallahu anhu, fait un hadith Qudsi, يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركة qu'il est dit Abu Huraira que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah عز وجل l'a dit je suis le plus en droit parmi les associés de me passer de l'association celui qui fait une action en m'y associant avec un autre je le délaisse lui et son association donc le shirk fait que l'œuvre elle est rejetée. Si le Sheikh Asrar, c'est l'œuvre qui est rejetée en elle-même. Si le Sheikh Akbar, toutes les œuvres se voient annulées. Kamakol Zakarana. Et troisième condition, Al-Mutaba'a. Li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du messager d'Allah. C'est-à-dire que l'œuvre soit en concordance avec l'enseignement prophétique. Et ça, on avait pris dans les conditions de la deuxième attestation qui est Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. De témoigner que le messager d'Allah que Mohammed est le messager d'Allah. On avait dit quoi ? Le croire dans ce qu'il dit, et dans l'obéissance qu'il leur donne, et dans de délaisser ce qu'il a interdit, et de savoir qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il a enseigné, c'est-à-dire qu'il a légiféré, par le biais d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait une œuvre qui n'est pas conformité avec la sunnah, celle-ci sera rejetée, même s'il est sincère. Et celui qui fait une œuvre qui en apparent est conforme à la sunnah, mais qui n'est pas faite pour Allah Azza wa Jal, alors elle sera rejetée. Et celui qui fait une œuvre, il est sincère, il cherche vraiment Allah Azza wa Jal, et il a fait en conformité avec la sunnah, mais il n'est pas musulman, c'est pas accepté également. Non. طيب سنقف هنا اليوم إن شاء الله وصلت له وسنوصل في درس قادم بإذن الله تعالى فسيبقى لنا بروشان درس وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك